Salut à toutes et à tous, on va se marrer. C'est garanti. Voilà. C'est garanti par contrat. On va se marrer avec le Jurassic Park des ondes, Bob du club. Ah, bravo. Salut les filles. Bravo. Bon anniversaire. Hein. À qui? Bah ceux qui c'est leur anniversaire. D'accord. Le président de l'association des dyslexiques. Oh là là. Oui, ah oui, bah bon ben voilà. Et toi t'es président d'honneur, Maurice. Bonjour Maurice. À tous. Maurice. Pauvre Maurice. Le spécialiste. C'est dommage qu'on ne soit pas à la télé parce que vous voyez pas la petite moustache de travers de Maurice. Ouais. Le spécialiste des blagues les plus mignonnes et les plus light, c'est GG. Ah oui. Oui. Bravo GG. Qui bien entendu va nous dire trois connasses à la demi-heure. Faut pas s'étonner, c'est normal. Ah ben il y a un spectacle qu'il faut que tu ailles voir sur Paris. Hein. C'est le Connasse Comedy Club ou un truc comme ça. Ah oui. Face à eux, nous avons donc un permanent de l'équipe qui sévit régulièrement sur Facebook. Ah ouais, c'est Frédéric Coster. Ah. Émission sera réalisée par David. Ah. Oh. Et animée par Philippe Bello. Ah bah ça va être bien alors. Alors comme chaque semaine, Frédéric, oui. Un invité. Eh bien oui, ah. Cette semaine nous recevons Benjamin Leblanc. Oh. Ah. Bravo. Et bonsoir, un honneur. Alors Benjamin, oui. Qui vient nous voir. C'est toi l'animateur, Philippe. Hein, non, mais, faire, oui, mais hein. C'est toi qui invite. Oui. Qui invite à l'occasion d'un spectacle qui s'intitule Benjamin Leblanc s'expose sur scène. Que tu joues tous les samedis du 12 mai au 30 juin à 20h au théâtre Chez les Fous, 52 rue de la Tour d'Auvergne à Paris, dans le 9e. Mais alors, qu'est-ce que tu exposes sur scène, tout. Benjamin? Absolument tout. Ah. Comment ça, tout? Bah, tout. Faut venir. L'ensemble. Oui. L'ensemble, la totalité de l'œuvre. Ah, je crois que Maurice est sur son iPhone pour réserver. Mais non, tout, il vient pas tout nu. Ah. Enfin, ah, je crois pas. J'en sais rien. On sait pas. Peut-être. Enfin, sur la photo, il est. Je sais pas, il dit qu'il expose tout. Bah oui, c'est ça qui est intéressant. Des alors, portraits, donc... ouais, une galerie de portraits, en fait. Une exposition de portraits. De portraits de personnages divers et variés. Ouais, surréalistes surtout. Ah bah oui. T'en as un en face de toi là, tu peux le prendre. Mais là, celui-là, tu vas pouvoir te le... Donc des personnages que t'as inventés. Oui, que j'ai inventés. Oui. Okay. C'est pas du tout inspiré de la vie de tous les jours, etc. C'est pas du stand-up. Non, c'est pas du tout du stand-up. Ah, d'accord. Bon, on va y aller alors. Non. T'aimes pas le stand-up, toi? Pardon? T'aimes pas le c'est pas moi qui ai parlé. Si, t'as dit on va y aller, donc ça veut dire que t'aimes pas le stand-up. Ah non, c'est pas moi qui ai parlé. Par contre, moi je peux le dire à ta place que je n'aime pas le stand-up. Ah bah voilà. Ah, oui. Je peux le dire sans problème. J'ai cru que t'allais dire je peux le dire à ta place, tu n'aimes pas le stand-up. Que tu n'aimes pas le stand-up. Non plus, tu me l'as dit dans la voiture. Ah, c'est donc c'est un spectacle que tu as écrit. Exactement. Et qui est mis en scène. Par une personne pas très fréquentable. Ah, c'est vrai. Bah on la connaît cette personne. Ah bah justement. C'est Guillaume Meurice. Guillaume Meurice. Ah oh là là. Voilà. L'affreux Jojo, celui qui va déguiser en la mort, il se déguise avec en la mort avec la faux et tout ça, il va chez France Télécom et il dit bonjour, je suis votre nouveau DRH. Exactement. C'est vrai qu'il est très drôle. La vidéo est dispo, je crois, sur sur son site. Voilà. Il y a le lien sur son site. Ouais. GuillaumeMeurice.com. Meurice. Il s'en souvient plus. On l'a reçu à l'émission, mais il s'en souvient plus. Meurice. Tellement qui défile. Donc ça, est-ce que l'humour de Guillaume Meurice qu'on connaît peut donner une idée sur Ah pas du tout. Ah bon. Ah. En fait lui voilà. Lui il sert juste à me dire non en fait. D'accord. Parce que j'ai beaucoup d'idées, il me cadre en fait. Il cadre un peu parce que sinon je pars un peu dans tous les sens. Non. Voilà, c'est ça mais c'est quand on répète, il se met en face de moi et il me dit non. Non, pas comme je dis ça. Si, il me dit mais non. Et alors est-ce qu'il y a un fil conducteur dans cette émission, dans cette émission? Non, non. On va voir, voilà. On va voir. Mais dans le spectacle. Le ça fil conducteur, serait. c'est l'originalité à mon avis, parce que c'est ce qui ressort le plus des critiques et parce que c'est des personnages assez particuliers dans tous les sens du terme, qu'on voit pas tous les jours et qui font des choses assez étranges. Alors on aura un ou deux petits extraits dans l'émission. Pas du hein. tout. Non. Ah bon, d'accord. Mais non, parce que c'est très visuel le spectacle de Benjamin. En revanche, oui, je fais. On peut faire sa promo aussi. Ah bah possible. On est là pour oui, ça. Bien sûr, oui, donc oui. J'écris un journal donc avec Guillaume Meurice justement, journal qui s'appelle Le Cachalot Soluble, qui est le journal de tout ce qu'il n'est pas indispensable de ne pas savoir déjà. D'accord. Je suis en train de perdre l'animateur directement. Non, je suis. Non, c'est bon, donc, il n'y a pas de problème. Je vous lirai des petits bouts du cachalot. Ah, d'accord. Voilà. Et tu nous diras comment on le trouve aussi, surtout. Exactement, il y a un site internet, lecachalotsoluble.com. D'accord. Le dernier qui a fait un journal de cette taille, ils l'ont guillotiné. Hein. Il s'appelait Danton. C'est vrai ouais. Il y a eu Pierre Dac aussi. Danton quoi hein Oh, mais ça y est. Oh, bah non, c'est du light, hein, c'est oh, du bah light. Quoi. Alors, l'autre, il fait bien les blagues de télé-loisirs, je peux faire des vieilles blagues moi aussi. Oui. Donc, tu vas voir que dans cette émission, bien raison, il y a plein de choses. Hein. On a des blagues foirées de Maurice, ah, oui. On a des jeux pour marquer des points, on a des épreuves. Cette émission est une épreuve. La première, c'est le baptême de l'équipe adverse, car vous formez deux équipes. Et vous allez vous affronter tout au long de la soirée. Donc, pour que les auditeurs puissent suivre l'émission, et il faut donner un nom aux équipes. Alors, cher, on va commencer par eux. Ils ont peut-être une idée. Bob. Oui, vous avez une idée, mais non, mais vas-y. Regarde, comme ils sont habillés tous les deux, on va les appeler les Noirots. Ils sont tous les deux en noir. Oh bah non, vous êtes en deuil. Mais attends, je suis pas du tout en noir, par contre. C'est du marron. Hein. C'est du marron, oui. C'est pareil, c'est les Noirots, hein, donc. Oui. D'accord. Bon. D'accord. Bon. Alors, vas-y. Ouais. Donc, nous, on va s'appeler les Cachalots. Non, c'est le nom à eux, hein. C'est leur nom à eux. Leur nom à eux. Oui, mais ça va, mais ça va bien aussi. Tu vois que Maurice a la relève. Oui, ou les solubles. Les solubles. Les solubles, c'est peut-être mieux. Les solubles, oui. C'est pas mal, les solubles. Ça va bien. Donc, ça sera donc les cachalots. Non, les solubles contre les noirots. Les solubles contre les noirots, oui. Voilà. Ah oui. Il faut savoir que Philippe est un jingleateur précoce. Voilà. Donc la première question pour marquer le premier point. Oui. Alors, c'est le premier qui a la réponse qui donne. Hein. Quelle émission de télé française Ring Parade a provoqué l'indignation de Ségolène Royal en 1989. Droit de réponse ? Non. Le jeu de la vérité ? Non. Une émission sur Canal Plus. Non. Non, Ségolène Royal, elle s'occupait quoi ? Elle s'était indignée. Elle s'occupait de la famille. De toute façon, alors, je sais pas. Bon, bref. Commence pas à demander à Gégé de quoi s'occupe Ségolène Royal. Hein. Folle. On peut avoir des points de rap quand on connaît aucune émission de 1989. C'est possible. Mais tu es alors une question à subsidiaire. Tu es né en quelle année? Je suis né 8 ans avant le début de l'émission qui a indigné Ségolène Royal. Ah oui, donc avant toi, il y avait rien. Bah, tu regardais pas la télé déjà. Donc, Dragon Ball Z, non, ça va pas. 8 ans avant. Ouais. Alors donc c'est une émission que tu regardais. C'est vrai? Oui. Ah, bah, le club Dorothée. Le club Dorothée. Et pourquoi ça l'a indignée cette... Non, mais elle avait pas tout à fait tort, parce que c'est vrai qu'il y avait des dessins animés japonais qui étaient quand même un peu violents pour les gosses. Ah bon. Alors, on a une boîte mail dans l'émission, celle de Maurice, boîte e-mail. Ah oui. Maurice reçoit des mails de téléspectateurs qui souhaitent... Des auditeurs à la radio. Qui lui envoient des mails pour lui faire raconter une petite blague. Alors, Maurice, t'as reçu une blague de la part de qui? Alors, c'est de... Je pourrais jamais m'habituer à ça. C'est pas possible. T'es pas le seul. Oui. C'est Josiane de Vendée. De Vendée? Non, Vendée. Vendée. C'est Josiane en Vendée. Hein. Elle te gâte. Que se disent deux skieurs juifs qui se croisent? Deux skieurs juifs qui se croisent. Je crains le pire. On sait pas. C'est une histoire raciste. Non. Shalom. Ah oui, mais slalom. Non, mais non, mais non, mais non, c'est non. Slalom, il se dit. Non, mais recommence, Maurice. Non, bah, on va faire comme si tu l'avais pas faite. Alors, Maurice, une petite blague. Alors, que se disent deux skieurs juifs qui se croisent? On sait pas. Shalom. Mais non. Oh, mais abattez-le. Comment il appelait le docteur Bonne Maison? Oh non. On va le jeter par mais non. Non, envoyez le hapo, c'est pas possible. Shlalom. Shlalom. Voilà. Ah ben, t'y arrives alors. Alors Maurice, une petite blague. Alors, que se disent deux skieurs juifs qui se croisent? Shalom. Attends, on n'a pas le temps. Alors Maurice, une petite blague. Benjamin est consterné. Moi, j'aime autant vous le dire. Non, mais c'est... C'est une expérience, après tout. C'est vrai. Pose la question à Benjamin. Découverte de Maurice. Cher Benjamin. Ah bah non, mais quand même. Non, mais quand même. Mon cher Benjamin. Allez, on va la refaire. On la refaire. Tu vas voir, la prochaine fois, il va bugger à Mont. Mon cher Benjamin Leblanc, que se disent deux skieurs juifs qui se croisent? Par contre, il ne me regarde pas du tout. Non, c'est ça qui non, parce qu'il a peur de ma réaction, c'est pour ça. Alors là, il faut que tu lui dises, je sais pas. Ah là, faut dire, je sais pas. Ah, je n'en ai, mais alors, absolument aucune idée. Shalom. Shalom. On va la mettre de côté, tu la referas tout à l'heure. Oui, mais là, et en attendant, c'est ton père qui aurait dû se la mettre de côté. On va se la mettre de côté pendant la pause. On se retrouve juste après avec la tournée de blagues et Benjamin Leblanc. Ouais. Retour, on va se marrer avec l'iPhone de Frédéric Coster et surtout Benjamin Leblanc. Eh oui. Ouais. Eh oui, c'est pour ça qu'on est venu nous. Hein. Benjamin qu'on retrouve tous les samedis soirs jusqu'au 30 juin au théâtre Chez les Fous à Paris, 52 rue de la Tour d'Auvergne, mais également le 4 juin à l'espace Gerson à Lyon. Du 7 au 27 juillet au Festival d'Avignon au Théâtre de l'Art en Seine, le 2 août à Bouillargues dans le 30, les 30 et 31 août pour le 24e Festival National des Humoristes de Tournon, et enfin, retour à Gerson, l'espace Gerson à Lyon pour la Semaine de l'Humour à partir du 26 septembre. Pour son spectacle, Benjamin Leblanc s'expose sur scène, si vous avez envie de rire, avec tout un tas de personnages bien bizarres. Mais on découvrira tout à l'heure un autre aspect de Benjamin avec son petit journal. Mais avant ça, Benjamin, une des épreuves de l'émission, ce qu'attendent les auditeurs, c'est la tournée de blagues. Alors. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Donc, GG. Un couple discute après le dîner. Viens, dit l'homme, on va faire l'amour. Ah bah je peux pas, j'ai des pertes blanches. C'est pas grave, moi j'ai du diabète, ça fera des meringues. Bon appétit. Alors une blague de Maurice. Encore ? Non mais c'est pas une blague d'auditeur, ça, c'est une vraie blague de Maurice. Eh bah, quel animal faut-il emmener à la piscine ? Un cheval ? Non, un poney de bain. Mon Dieu. Excellent. La pensée du jour. Le mensonge, c'est comme l'éjaculation, ça sort facilement. Mais t'as toujours du mal à le faire avaler à ta femme. Oh, non. Dominique Strauss-Kahn. Oh non. Alors, ça se passe à la Coupe de Monde du foot. Ouais. Il y a un gars... Alors, attendez, à la Coupe de Monde du foot. Bon, à la Coupe du Monde de foot. Il y a un gars et il y a personne à côté de lui. Ah. Alors le mec du siège d'en face lui demande, mais attendez, hey, monsieur, hey, ouais, attendez, mais comment ça se fait qu'il y ait personne à côté de vous? Oh bah attendez, je suis emmerdé, bah oui, bah c'est ma femme qui devait venir. Ah bon? Ouais, mais elle est décédée. Oh, excusez-moi, je savais pas vraiment, oh attendez, c'est pas grave, c'est pas grave. Enfin, il y a un truc que je me demande, mais il y a personne d'autre qui a voulu prendre sa place, qui a voulu venir avec vous? Bah, ils pouvaient pas, ils sont tous à l'enterrement. C'est deux potes qui discutent et il y en a un qui dit t'aimes bien faire comment toi l'amour avec ta femme? Oh pff, non, bon nous c'est classique, c'est en levrette hein. Et toi? Moi c'est le sexe à la rodéo. Le sexe à la rodéo, qu'est-ce que c'est que ça? Ah le sexe à la rodéo, c'est génial. Tu te mets sur ta femme, tu la caresses et à l'oreille tu lui dis t'as le même parfum que ma secrétaire. Et après, bah après t'essayes de rester. Dis donc, t'es un jingleateur précoce, toi. Hein. La censure. Donc je recommence. Oui. Et après, bah après t'essayes de rester dessus 5 secondes. Alors, maintenant, il va falloir lui faire des signes pour signaler que l'histoire est finie. Il écoute pas, c'est horrible. C'est à mon tour. Hein. C'est à ton tour, Benjamin. Alors une blague qui n'est pas de moi que j'ai entendue, hein. Je tiens à dire tout de suite. J'adore cette blague, par contre. Assume ce que tu dis. Non, mais j'adore cette blague, c'est pour ça que je vais la faire. Vous savez ce que c'est qu'une prostituée au régime? Au régime? Ouais. Non. Une grosse pute. Et GG, note-là, tu pourras la ressortir, celle-là. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. Toi, c'est juste. Oui. Alors, pour marquer des points, nous avons une épreuve supplémentaire qui s'intitule La main passe. Ah. J'essaie de vous faire deviner. Alors, en l'occurrence, là, j'essaie de vous faire deviner un pays. Mon pays, ça n'est pas... Je vais donc vous donner des informations pendant 10 secondes sur ce pays. Vous trouvez très bien, vous donnez la réponse, le point est mis. Vous ne trouvez pas, la main passe. D'accord. C'est la première équipe qui trouve la réponse, qui marque le point. Ah oui. Donc nous allons commencer par l'équipe qui est menée, c'est-à-dire les solubles. Oui, solubles. Avec ses 10 premières secondes d'informations. Mmh. Top. Oui. Je suis un pays d'Europe... Je fus tout au long de mon histoire au carrefour de 4 grands espaces culturels, ce qui confère une richesse à mon patrimoine. La Bulgarie. Vous vous consultez ou on prend la réponse de GG? On se consulte. Oui, on se consulte. Ah, Bah, elle est à deux pas de la Turquie, donc c'est déjà l'Orient. 10 secondes suivantes. Il a été emmerdé, ils ont été emmerdés par les communistes soviétiques. Hein, ils avaient... ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que politiquement, Gégé n'aime personne. Mmh. Faut le savoir. Oui. Oui, alors qui c'est? J'en sais rien. Bah, moi, j'ai donné mon avis. Il a proposé, là. Et, attendez. J'ai pas dit que c'était. Attendez. Un peu connasse. Le premier de la soirée. Premier connasse. On va les compter ce soir. Non, moi, je propose qu'ils mettent 10 euros dans la cagnotte dès qu'il dit connasse. Ah, bah, alors, je vais pas me donner mon salaire. Hein. Alors, j'ai pas dit que c'était pas ça, hein, moi, tout à l'heure. Attention, je voudrais pas vous. La Bulgarie, je vais pas vous dire ça. La Bulgarie. La main passe. Voilà. Top. Ce qui confère une richesse à mon patrimoine, tant architectural qu'artistique. Outre le caractère slave de mes habitants, qui remonte à la fin du 6e siècle, j'ai subi des influences vénitiennes. Oui, moi j'allais dire ça aussi. J'allais dire la Roumanie. On dit aussi. La Roumanie. Ouais, La Roumanie, la main repasse. Ah, merde. De toute façon, ça se touche, hein, tout ça. Top. Toi, dès que ça se touche. Et les influences austro-hongroises dans les plaines du nord de Slavonie et dans le bassin du Danube d'autre part. De Slavonie. Cet héritage vient de superposer à celui du Alors, c'est, ça peut être l'ancienne Yougoslavie, mais c'est peut-être trop au sud. Mais je pense ah non, même. Mais là, on n'est plus dans l'ancienne Yougoslavie. Ah non, moi, je demande le pays, là. Hein. Je demande pas l'ancienne Yougoslavie. Alors, l'Autriche depuis le début. L'Autriche. Ouais, moi aussi, j'ai pensé à l'Autriche à un moment donné. Depuis le début. Autriche. La main repasse. Alors, attends, avant que tu redémarres, la Slavonie. La Slavonie, oui. Slavonie. Oui, ça existe. Oui, ils vendent des savons. C'est une région. Oui, c'est ça. Des savonnettes. Et puis, il y a la petite. C'est une région. La savonnette. Voilà. C'est une région. Attention. Top. Le voisinage immédiat de l'Empire ottoman du 15e au 19e siècle, dont l'expansion s'est arrêtée sur mes terres, a également eu son importance puisque j'en ai hérité mes frontières c'est actuelles. C'est marrant qu'avec eux, tu continues, même quand le jingle a sonné. Enfin, ça suffit quand même. En fait, même. Tu habites ce pays, apparemment. Ce que tu viens de parler de toi, là, c'est ça? Non, je parle au nom du pays. Ah, d'accord. Ouais. Ah, ça, tranquille. Alors, on va dire quoi, alors? La Hongrie? Oui. Hongrie. La Hongrie. Oui. La main repasse. Ah. Non, c'est Ljubljana, c'est la capitale de Ljubljana, c'est le président de la Cinémathèque française. Slovanie, non. Attendez, la main repasse. Parce qu'entre la Croatie, c'est la Slovanie ou la Croatie. Ah. C'est l'un ou l'autre. Attendez, la question. Vas-y. Top. J'ai une forme particulière qui ressemble à un croissant ou à un fer à cheval, ce qui explique que j'ai des coupes frontières avec de nombreux pays. La Slovénie, la Hongrie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine. Et oui, bah donc elle est au milieu. C'est la Croatie. C'est la Croatie. Croatie, nous disons. Eh bien, c'est la Croatie. Quand je t'ai dit l'ancienne Yougoslavie. Oui, parce oui. Que bon, bah voilà. Oui. C'est pareil. Oui, hein. Oui. Eh bien, c'est gagné. Ça nous permet de vérifier quand même si Maurice est en forme avec une petite roulette russe. Une petite roulette russe. Alors, la roulette russe, c'est pour toi, Benjamin. Je te propose des mots qui correspondent à les blagues historiques de Maurice. D'accord. Tu dis stop quand non, tu non, veux. Mémoire. Et automatiquement, Maurice. Mais instantanément. Ah oui, oui, oui, oui. Instantanément. Maurice, automatiquement, démarre une blague historique quand tu choisis le mot. Attention, c'est parti. Poussin, Maya l'abeille, clocher. Stop quand tu veux. Clocher. Ah, il a pris clocher. Ah, oh, bah, celle-là, il la je connaît. Savais, je savais qu'elle a ah, bah, celle-là, celle-là, il la connaît par cœur. Par contre, Maurice, on compte sur toi pour la faire vraiment très, très faut bien. Que tu la retires de la roulette. Ouais, oui, là, non, vraiment. Non. Mon cher Benjamin Leblanc, quelle est la différence? Ah, Maurice, regarde-moi. Non, non, non, non, non, voilà. Parce que là, c'est non, pas là, voilà. Je te l'ai dit, je te l'ai dit de la faire correctement, quand même. Ça veut dire que tu t'adresses à lui, tu le regardes. Mon cher Benjamin. Voilà. Voilà. Quelle est la différence entre un i et un clocher? Un quoi? Un i. Un i? Et un clocher. Et un clocher. J'ai envie de dire, je ne sais pas. Ah. Alors, le i, c'est la voyelle. Mmh. Et le clocher, c'est la consonne. Oh là là là là là. Pas mal. Là, là, on a rien à dire. Ou juste pour le plaisir, une petite archive très rapide où il l'a foiré, mais il y a quelques temps de cela. Alors, Bob, Maurice va te la refaire. Alors. Quel est qui y a-t-il hein oh, le pauvre. Oh, excusez-moi, en régie. J'ai tapé dans le micro, là. Comment il s'appelle le curé, là? C'est l'abbé Résina, là. Quelle est la différence entre non, la... Qui y a-t-il, t'as dit. Qui y a-t-il mais non. Oh non, mais c'est une catastrophe. Bon. Quelle est la différence qu'y a-t-il entre un i et un clocher? Quelle est la différence qu'y a-t-il? C'est nouveau, ça vient de sortir. Oh là là. Oui. Oui, on en a des tonnes comme l'alcool, ça. Oui, l'alcool, oui, c'est mal. Voyez. Alors juste mal, oui. Je pense que tu t'intéresses à l'actualité. Oui. D'ailleurs, tu oui. nous dis, tu nous en feras peut-être partager un petit peu avec ton petit journal. Avec le journal. Mais juste avant ton petit journal, on aura un flash très spécial. Ça sera juste après la pause. Restez avec nous. On revient avec Benjamin Leblanc. Retour, on va se marrer avec Benjamin Leblanc. Ouais, bravo. Ouais. Je pense que toi et Guillaume Meurice donc œuvraient régulièrement, d'après ce que nous a dit, pour un petit journal. Oui, un grand journal même. Alors, le grand journal. Rappelle-nous donc le titre. Qui a pour titre le cachalot soluble. Oui. Donc c'est le journal de tout ce qui n'est pas indispensable de ne pas savoir déjà. Qui est un journal à caractère surréaliste, toujours dans le ton du spectacle. Vous voulez que je vous dise un... Ah ben oui, on aimerait bien. Un court extrait. Ben, bien sûr. Je peux vous lire les gros titres du journal déjà. Donc la révélation exclusive, le mur de Berlin est toujours debout. Ah. Donc ça, on en a la démonstration dans l'article. Dans le numéro 2, parce que ça c'est le numéro 1, on se rend compte que les Twin Towers étaient de fausses jumelles. Un vrai article de fond. Ah oui. Ici, dans le numéro 1, on trouve qu'une femme sans enfant signale la disparition de son fils. Elle nous raconte effectivement, là, c'est pas évident. Ensuite, on a une interview sensation de l'inventeur de la carpe. Ah. En exclusivité pour le cachalot. Ouais. La réponse à une question que tout le monde s'est posée. Pourquoi y a-t-il plus de gens trop grands que de gens plus petits? C'est simple. Hein. C'est simple. La réponse, vous l'avez tous, c'est parce que la taille est proportionnelle aux gens, en fait. Ah. C'est très simple. Très, très simple. Il n'y avait pas pensé. Une recette la recette du gâteau aussi, qui est très très importante. Vous voulez que je vous lise la recette du gâteau? Je t'en prie. C'est comme gâteau. C'est puissant. Ah. Donc là, je suis en train de tourner. Non, mais c'est un vrai journal. Hein. C'est un vrai journal, oui. Et elle était dans le numéro 2. Non, elle est là. Alors, c'est très simple. La recette du gâteau, 150 grammes, 3 pas 4, 100 grammes, 100 grammes, un demi-sachet et 150 grammes. Donc, séparé. Faire fondre les 150 grammes en y ajoutant quelques gouttes et incorporer la totalité du reste que vous n'avez pas encore utilisé. Ah oui. Battez le tout en rajoutant une pincée, sans oublier de bien remuer pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Ça, c'est, ah bah oui, c'est la base, de toute façon. Bah oui. Ajoutez les autres 100 grammes en faisant attention de ne rien renverser. Sinon, là, c'est foutu, il faut tout recommencer. Laissez reposer le tout moins longtemps que ce que vous pouvez l'imaginer. C'est aussi très, très important. Et incorporez la préparation au reste de la mixture en remuant légèrement de l'autre côté. Et surtout, pensez à ne pas mettre le demi-sachet. Ah bah oui. Parce que sinon ça déborde et après il faut reprendre le plat. Enfin bon, c'est toute une histoire. Mettre au réfrigérateur. Je suis en train. Tous les gens sont vous êtes tous consternés. J'adore. Ah non, j'adore ce regard. Maurice prend des notes. Maurice me regarde là, bizarrement. Oui, oui. Il faut mettre au réfrigérateur sans que la préparation ne s'en aperçoive. C'est très très important. Sinon, vous êtes subrepticement. Voilà, subrepticement. Se déguiser et mettre au frigo comme ça. Sinon, vous êtes quitte pour tout recommencer. Ah. Évidemment, le mettre dans un plat à gâteau octogonal à bout carré de 0 cm de diamètre. Et pensez à vérifier surtout que le four est assez grand. On a eu beaucoup d'accidents, d'accidents. Ah oui. Et cuire le tout à thermostat 6 pendant le temps nécessaire pour une cuisson parfaite. Ah oui. Voilà. Et là, vous aurez un gâteau, logiquement. Magnifique. Oh, bravo. Alors, où est-ce qu'on le trouve? Ouais, alors d'abord, où est-ce qu'on le trouve? Comment on le trouve, le journal? Alors, le journal est vendu. Ah. Pour la somme de 1 euro. Ah. Je vais quand même préciser que tous les fonds qui sont récoltés avec ce journal sont reversés à une association qui a pour but d'en refaire un autre. Ah. Ça, c'est très important. Ah, d'accord. Faut bien que les gens le sachent. Et le journal est vendu à la fin de nos spectacles respectifs, celui de Guillaume et moi-même. Il est également dans plusieurs librairies à Paris, à Beaubourg, normalement là, bientôt. Une librairie qui est à rue de la Roquette, d'accord. À Fille du Calvaire. Enfin, tout est sur le site Le Cachalot. Et oui, ce que j'allais te dire, vous avez un site internet où on peut éventuellement commander le journal aussi parce que vous pouvez m'envoyer un mail et vous mettez votre adresse, vous m'envoyez un petit chèque et je vous envoie un chèque de 400 euros, évidemment. Ah oui, ouais. Ce qui est une petite majoration. Parce que tu as dit, et je vous envoie, Et je vous envoie un chèque de 400 euros. Là, non, je vous envoie le journal, la matière. Ah, d'accord, la matière. Voilà. Et donc, vous le commettez tous les deux avec Guillaume ou exactement. Il y a d'autres auteurs, on va dire, qui viennent de temps en temps. Il y a un joueur d'échecs. Ah. Qui, d'ailleurs, là, si jamais. Alors, je passe un appel. Oui. Parce qu'il est parti et personne n'a de ses nouvelles. Ah. Donc je lance un appel aux auditeurs. Si vous croisez Benjamin Marais, il est petit blond, petit et blond. Oui. Faites-moi signe, parce que je ne sais pas où il est. Voilà. Bon. Moi j'avais un copain comédien qui était joueur d'échecs. À chaque fois qu'il jouait, c'était un échec. Ah ouais. Ah, pas mal. Elle était bonne celle-là. Je sais pas, on pourra la laisser après le montage. Hein, oui. Bon, et c'est tous les combien? C'est tous les quand on a vendu ce qu'on a sorti en fait. D'accord. Donc là, il nous en reste un peu à vendre. Donc quand il sera vendu, on sortira le troisième. D'accord. Donc rappelle le titre du journal. Le cachalot soluble. Cachalot soluble. Et le site. Le Maurice. Le cachalot soluble. Non, pas soluble. Solubre. Non. Je te dis pas solubre, eh oui. Idiote. Alors il dit octobre, il dit soluble. Oui. Alors il dit soluble. Soluble, il dit octobre. Titre du journal. Le cachalot soluble. Mais non, pas soluble. Soluble. Soluble. Ah. Bon. Le cachalot soluble. Ah, voilà. Génial. Voilà. C'est bien. Ah, bon. C'était pas pour rire. si, c'était pour rire. Donc, dans quelques instants, Maurice. Quoi? Je vais tirer une carte dans le boîtier du Trivial de 1985. Ah oui. Très important. La date est importante. Si on te demande de quel pays Moscou est la capitale, tu réponds L'Ouganda. Mais non, c'est de 85. L'URSS. Voilà. Donc ça va être dans quelques instants. Donc il y aura deux cartes, une carte par équipe. C'est encore pour marquer des points, puisque pour l'instant, vous êtes à égalité. Donc, vous restez avec nous. L'épreuve du Trivial avec Benjamin Leblanc, c'est juste après la pause. Oui, oui. Retour d'Onvas Marais. Ouais. Alors, tu as un site internet, j'ai vu benjamin-leblanc.com. Exactement. Et qu'est-ce qu'il y a sur le site? Alors, sur le site internet, il y a l'actualité. Oui. Déjà. Il y a deux, trois. Voilà, exactement, l'actualité, évidemment. Il y a deux, trois petites vidéos. Ah. Absolument pas en rapport avec le spectacle. Des sex tapes. Ah, vidéos habillées ou déshabillées? Oh, mais Maurice. Maurice, du coup. Maurice, il veut bosser avec moi, j'ai l'impression. Ah oui, là, à fond. Et voilà, ouais. L'actualité, qu'est-ce qu'il y a? Quelques photos, enfin c'est pas moi qui m'en occupons comme on dit, donc voilà. Oh. Donc tu sais pas ce qu'il y a? Je sais pas trop en fait ce qu'il y a dessus. C'est mais c'est un moyen comme un autre d'avoir de rentrer en contact avec exactement, toi. Exactement, il y a mon mail, enfin il y a le mail si vous voulez m'envoyer des mails. Et est-ce que tu prends tout le monde comme ami sur Facebook? Ah oui, est-ce que tu as... Ah oui, j'ai... Oui. Oui. Oh oui, complètement. Ah, ouais. Je suis complètement ouvert à l'amitié. Ouais, c'est pas moi de problème. Qui suis con. Ah bah t'es pas regardant. Hein. Ah bah je vais te dire, moi non plus, j'ai même Maurice comme ami sur Facebook. Mon Dieu. T'en es à ce point-là, mon pauvre chéri. Bon, alors j'ai tiré. Attends, au je voulais juste. Mais Maurice, t'es sur Facebook, mais est-ce que tu tweets? Non. Oui, alors c'est quoi tweeter? C'est quoi tweeter? Oui. Non, bah, je vais pas t'expliquer ça maintenant. Non, bah là, attendez, on a une émission à faire. On vous explique après. On vous raconte, et puis c'est tout. De toute façon, hein. Donc, j'ai tiré au hasard. Oui, ça fait quelques c'est années. Aujourd'hui. Oh, bah, t'es pas le seul. Deux cartes dans le boîtier du Trivial de 1985. Ah oui. Une carte par équipe. Attends, on va se cotiser pour en acheter un nouveau. Six questions par carte. Oui. But du jeu, répondre au plus grand nombre de questions pour gagner des points. Donc, il y a des petites règles supplémentaires. Si une équipe ne sait pas répondre à une question de sa carte, l'équipe adverse peut répondre à sa place et marquer le point. Et deuxième chose très importante, c'est la réponse cash. Hey, car quand je vous pose une question, vous pouvez vous consulter avant de donner la réponse. Léon. Sauf si vous êtes sûr de la réponse. Et dans ces cas-là, vous dites cash. Allô, Léon. Et vous donnez la réponse. Et dans ces cas-là, c'est zwei point. Allô, Léon. Donc je fais bien sûr comme Monsieur, chaque semaine. Philippe quand il joue les jeux c'est Guilux. Je fais. Allô Léon. Bravo Simone. Mes explications sont claires. Ah bah oui. Ah oui. Tout le monde a compris. Oui, donc très, c'est le premier bien. Qui répond qui gagne quoi. Voilà. C'est alors quoi comme jeu? Première. Non mais on les laisse pas. Première chose, première. Je fais toujours choisir Bob car sinon il y a contestation s'il perd. Ah oui, on a perd. Chacun une carte, d'accord. Bob la une ou la deux? La deux. La deux celle-là. Oui. Ah, on est aussi vieille que les cartes. Ah, je suis étonné que t'es pas pilote. Alors, je laisse celle-là. Là. Il y a une pétition qui parle tout seul là-bas. Je fais commencer l'équipe des solubles. Oui. Hein. Oui, oui, t'as raison. Donc les six questions sont pour eux. Sauf s'ils savent pas répondre. Alors, dans ces cas-là, vous pouvez répondre à leur place. Bob, est-ce que vous êtes prêt? Non. We eh bien, c'est pas grave. Hey, we c'est are ready, darling. Quelle est la préfecture des Bouches-du-Rhône? Ben c'est Marseille, non c'est... Ouais, on ne s'est pas consulté. Marseille. Cache Marseille. Il faut dire cache avant. Hein. Cache Marseille. Oh. Deux points. Quand même. Comment est le rideau d'Alexandre Astruc? Ah, c'est. Ah, on rigole moins là. Déchiré. Où est cache ou. Ou elle est cache déchirée. Cache déchirée. Non. Ah non. Merdique. C'est une question, non, c'est une question de fer. De fer. Bah attends, c'est quoi cette fer? Ah oui, attends, faut se replonger dans 85. Donc, comme on parlait de Marseille juste avant, on va dire de fer. Non, cramoisi. Ah oui, oh, d'accord. Bah, c'est pareil. À qui à qui ont succédé les Carolingiens? J'ai bien dit ont succédé, hein. Alors on cache. Si vous êtes consulté. Non, ils se sont consultés. Ouais, non, vous êtes consultés. Les Mérovingiens, oui. Oui, c'est correct. Enfin, on le savait quand même. Oui, mais vous êtes 4 points parce que non, vous êtes consulté. En même temps. Vous êtes consulté. Si, la réponse on s'est pas consulté, toi tu te réponds jamais. On a 2 points. Le sous quel nom Jacques Laurent a-t-il signé Caroline Chéri? Oh bah ça c'est des réponses à. C'est de la littérature. Hein, non, c'est pas de la littérature, c'est du cinéma de merde. C'est d'abord de la littérature. C'est d'abord de Jacques Laurent. C'est répète l'auteur. La question. Sous quel nom Jacques Laurent a-t-il signé Caroline Chéri? Oui, Caroline Chéri. Caroline Chéri, c'est avec Martine Carole, ça je me souviens. C'est un livre à la base. Ouais, mais on était qui, même. Qui a écrit Caroline Chéri? Tu l'as vu à sa sortie au cinéma, le film, en 52. Mais non, 52. Pour tes 50 ans. Enfin, toi, ta gueule, connasse. Ah, deuxième connasse. Vas-y, Gérard, lance-toi. Bah, non, je sais pas. Hein. Très honnêtement, je sais pas. Maurice sait peut-être. La fleur bleue. C'est ça. Mais non. Sous quel nom? Eh oui, sous quel nom? Eh ben, oh là là. Le nom de l'auteur. On a perdu Maurice, ça, sur ce coup-là, Non. On te demande le nom de l'auteur, imbécile. Normalement, tu pourrais dire, ils ont l'avantage, ils sont 3. Non, on n'est pas 3. Ils sont on est 2-2. Parce que lui, il compte pour moins 2. Non, parce que là, en fait, il vient de répondre à une question de la semaine dernière. Oui. Ah, c'est ça, oui. Donc, vous ne savez pas. Non, c'est pas. Là, alors, est-ce que vous avez la réponse? Oui, Cécile Saint-Laurent. C'est correct. Bravo. Alors là. Ah oui, mais. Quelle est la. Alors, c'est une question pour Bob, ça. Hein. Quelle est la planète la plus éloignée du Soleil? Ah, mais en 85. Oui. Dans le système solaire. On se machine pas, c'est Pluton. Oui. Il faut dire cache. Cache Pluton. C'est correct. Et je crois que ça. C'est plus Pluton. Parce que j'aime bien quand Bob, on se machine pas. Qu'est-ce que tu entends par « on se machine pas » Philippe, faut lancer une souscription pour acheter un truc de cette nouveau. Année. Là. Quel sport a pour variété la gréco-romaine et la libre? On ne se concerte pas la lutte. Un peu trop facile. Faut dire cache. On cache la lutte. Et c'est correct. Ouh là là là là là. On a bien répondu, hein. Oui, Maurice. Eh, vous avez fait fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc pour l'instant, vous êtes mené. Hein. On est mené, mais on va remonter. 8-2 là, avec cette épreuve-là. Hein. C'est, oui, bon, c'est quand même. Marquer des points là. Oui. Alors je propose quand même, maintenant qu'il s'est un peu reposé, pour de voir si Maurice a réussi à nous refaire la blague du sport d'hiver là. Que se disent deux skieurs juifs qui se croisent? Ah, c'est des filles maintenant, c'est des juives. Filles, ça a changé. Bon, on sait pas. Mais là, non, mais par contre, tu sois gentil quand même de mon parler. Cher non, Benjamin. Il veut pas te parler, il veut pas te parler. Mon oui, cher Maurice. Benjamin. On s'en fout. Qu'est-ce qu'ils se disent? On sait pas, alors dis-le. On voudrait rentrer en la fin d'abord. Ah, non, pas encore. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent les deux skieurs juifs? Il y en a marre. Bon, alors les mecs, là. Hein? Ski, là, non, on sait pas. Hey, shalom. Alors, on sait pas. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent quoi? Shalom. Ah oh non, mais elle n'y arrivera pas. Elle n'y arrivera pas. Hein. Non, mais c'est pas possible. Enfin, il n'y arrivera pas. À force avec les conneries de GG. Mais elle est quand même facile, cette blague. Et tu sais, à une époque, c'était les Z qui ne savaient pas lire. Oui. Après, ça a été les J. Oui. Maintenant, on en est au S. Mais attends, dans pas longtemps, il y a plus une lettre de l'alphabet qui pourra prononcer. Hein. Bon, alors dans quelques instants, on va passer à votre équipe. Avec votre carte, Benjamin. Donc il faut remonter la pente parce que là, ils ont quand même pas mal assuré. On laisse les auditeurs respirer quelques instants et on revient juste après la pause avec Benjamin Leblanc. Retour, on va se marrer avec Benjamin Leblanc. Ah oui, ouais. Ah oui. Bon, Benjamin, là, il va falloir. Jusque-là, Benjamin Leblanc. Vous incroyable. Vous rendez pas compte? Mais attends, il faut qu'il assure, là. Là, là, c'est la parce que c'est votre carte. Alors, si t'as une réponse cash, tu me tapes dessus, tu me fais signe pour que je me d'accord. taise. Hein. Et nous, on dit cachalot, on dit pas cash, en fait. C'est drôle. Voilà. Humour. C'est alors. Attention, c'est parti. Bah, si t'arrives c'est pas ici, taper, c'est l'équipe des humoristes. Ah ouais. Vous pouvez pas lutter. Voici votre carte. On t'égoutte. C'est parti. Qu'est-ce qui est devenu l'Abyssinie? Ah, vous pouvez réfléchir dans les micros. Regarde sa tronche de cake, l'autre en face, il sait. Bah ben oui. L'Égypte, un truc comme ça. Ça s'appelle la culture, chérie. C'est mesquin, c'est petit. Moi, je me souviens de la chanson de. De Fernand Tell. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados se réunit. C'est ça. Dans Félicie aussi. Hein, c'est qu'est devenu l'Abyssinie. Oui, qu'est devenu l'Abyssinie. Avant, ça s'appelait l'Abyssinie. Voilà. Ah, je sais pas, je dirais l'Égypte, mais. Ah oui. Mais ça doit. Ça, mais... L'Égypte, ça, non. Je crois que c'est le Botswana. Mais je suis pas sûr, hein. Eh bien, t'as c'est. T'as une idée? C'était l'Éthiopie. Ah, c'est l'Éthiopie. Ah. Qui... Ah oui, il y a le chien d'Abyssinie. Ils auraient mieux fait de rester l'Abyssinie. Avec le long museau et tout. Qui est Norman Bates dans Psychose? Le nom de l'acteur? Oui. C'est Cash. Anthony Perkins. C'est correct. Non mais bien sûr, mais tu devrais même lui donner les réponses. Qui a dit tout est perdu, for l'honneur? C'est en histoire. Ça. Oui. Pas alors facile. Là, bah, là, c'est la question piège. Une carte qui est pas facile. Autant l'Abyssinie, c'était vachement facile. Oui. Et pourtant, tout à l'heure, j'ai cru, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, tiens, cette question, j'ai dit, Frédéric va la trouver facilement, parce que comme il a fait une de ses imitations juste à l'instant. Non, mais arrête. Non, mais, juste à l'instant. Non, juste à l'instant. Alors, moi, je proposerais Napoléon. Alors, j'ai envie de dire Napoléon. On je sais pas, dire... ça devient comme ça aussi. On va dire Napoléon. Non. Merde. Ah, mais c'est. Non. Qu'est-ce que j'ai fait comme imitation? J'ai envie de dire, bon, on va faire. Jacques Chirac. C'est fini. Alors Maurice, oui. Une réponse. Chirac, non? Non. Coff. C'est plus ancien que ça. Oui, parce que l'expression est quand même. Oui. Non mais si vous savez pas, vous pouvez pas trouver. C'est pas Nelson. Ah, ça c'est une juste c'est phrase. La, oui. C'est pas l'amiral Nelson. Non. T'avais pas fait. Karen Cherim. T'avais pas fait imitation de Fernandel. Si. François Ier. Ah là là! Ah oui, c'était bien. Un choix premier. Que signifient ces mots? Oui. Je cite Aléa Jacta Est. Cache. Le sort en est jeté. Deux. Tu vois les cubénis. Est. Alors là, c'est une réponse, c'est oui ou c'est non. Ah bon. Cache! Donc c'est oui ou c'est non, il faut être sûr. Cache. Ah bah, c'est deux points. Ah bah ouais, il faut être sûr. Hein. Est-ce que les moustiques ont des dents? Ça, c'est les questions, t'as envie de dire oui, tu sais. Alors, juste pour le truc. Non, on va se consulter. Oui. J'ai envie de dire, la logique voudrait non, ouais. Mais s'il pose la question, tu te dis qu'il doit y avoir baleine sous gravier, donc tu te dis hop. Bah ouais, mais c'est peut-être justement non. Voilà. Faudrait trouver un moustique assez rapidement. Le seul problème, c'est que là, si vous échouez. Nous, on va l'avoir. À moins de demander à Maurice. Ah oui, vous demandez à Maurice et lui dire c'est un ni oui ni non. Oh non, non, ça faut arrêter parce que attends, c'est complètement. C'est qu'est-ce que tu dis? Bon, ils savent pas. Attends, je vais pas répondre. On peut y passer la nuit. Oui, non, mais quand on sait pas, on sait pas. Mais non, mais vous avez intérêt à ce qu'ils répondent. Bah oui. Ah bah. Tu dis qu'ils ont des dents? J'en sais rien. Non, dis donc, ils ont une trompe. Oui, ça d'accord. Mais oui, ils mettraient où leurs dents? Dans leur. Alors. Non, dis non. Allez, on dit non. Non. Les moustiques n'ont pas de dents. Oui. Non. Non quoi? Non quoi? Bien non, ce n'est pas une bonne réponse. Ah, tu vois? Donc ils ont des dents. Alors Maurice. Oui. Oui. Suspense. C'est correct. Et enfin, quel pays considère-t-on comme le berceau des courses hippiques? Zippic, carrément. Les courses zippiques, tu fais la. Zippic, c'est le plus dur. Je fais la liaison. Il y a plusieurs pics. Putain, les courses zippiques. Les courses zippiques. Les courses zippiques. Bon, les courses hippiques, ça vient d'où? Mais qu'est-ce que j'en sache, moi? C'est peut-être. Ce n'était pas une phrase, hein, ce que je veux dire. La pays. Les courses. L'Arabie, en tout cas. La pays. L'Arabie oui, mais les pur sang, ça vient d'où? Pur sang arabe. l'Arabie Saoudite. Qui c'est hippic, parce que hippic, c'est qui s'est pas rasé. Ou alors. Hippic, ouais. Ouais. Les hippic, c'est encore plus dur après. Alors. Du cours hippic. Vas-y, c'est toi l'invité, choisis. Bah, c'est sympa, merci. J'ai envie de dire l'Arabie Saoudite. Voilà. Non. Bah, c'est ou l'Angleterre ou les États-Unis. C'est l'Angleterre, c'est moi. Non, on dit pas l'Angleterre. Enfin, le on la dit Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. Ou le Royaume-Uni. Non, non, le la Grande-Bretagne, ça marche veux, pas. Non, je veux une réponse précise. Oui, oui, le Royaume-Uni, oui. Tu veux une adresse, en fait. Ça n'a aucun rapport. Oui, c'est et Maurice, ça. Tu disais quoi, toi? Le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni. Ah non, t'as pas dit ça juste avant. Ouais, il l'a dit maintenant. Non, il a dit la Garenne-Colombe. C'était la Grande-Bretagne, j'ai dit. C'était l'Angleterre. Alors, c'est bon. Foutu pour foutu. J'étais pas loin avec. Je rappelle à Gérard qu'il n'est pas équipé d'un micro à chef et que donc quand il se lève pour aller au bar, on l'entend plus à l'antenne. On entend un vague machin au fond. Il nous l'avait pas encore fait. Que l'Angleterre, le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne, c'est la même chose. Si t'es pas content, je te vois la mère Thatcher pour te foutre sur la gueule. Eh bien, assieds-toi car voici une tournée de blagues. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette émission? Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors j'ai une mignonne. Il nous l'avait pas encore fait. Ah, elle est très mignonne. Qu'est-ce qui est noir et blanc et qui dit au pape d'aller se faire voir? J'ai peur. Abbé Mousse, vous savez pas? Non. Bon, une bonne sœur qui vient de gagner au loto. Eh ben, le mignonne. Oui, je suis déçu, c'est une blague de Maurice. J'avais envie de la faire. Un escalator tombe en panne en pleine heure de pointe à la gare de Bruxelles. Résultat, 40 personnes bloquées pendant 3 heures. La tête de Bob. Pour se faire une virginité. Oula, une virginité. Virginité. Ah bah ça, virginité, ça m'intéresse. Virginité. DSK a décidé de modifier son état civil. Ah. Désormais, il faudra l'appeler Dominique Strauss-Kahn. Mais vous savez qu'à peine arrivé en France, il a recommencé. Hein. Ah oui. Il a sauté. Il a sauté un repas. Une blague signée Jeff Didlow. Je tiens à le citer. Je cite. Mamie Thérèse appelle le vétérinaire pour qu'il consulte la petite chatte de la maison qui a l'air toute bizarre. Le docteur arrive. Examine la minette et dit à Mamie Thérèse, déjà madame, je crois que votre chatte, elle va avoir des chatons. Comment? Bon, enfin, c'est complètement impossible. Elle sort jamais de la maison. Alors à ce moment-là, il y a un gros matou. On a vu un début de cochon quand même avant le matou. Oui. Qui vient se frotter au pied du veto. Eh, bah dites donc là, mademoiselle, là, dites donc, ça, c'est bien un mal, ça. Enfin, docteur, vous n'y pensez pas. C'est son frère. C'est une jeune fille qui tombe follement amoureuse d'un grec. Oui. Et il décide de se marier. Donc, ils vont se marier. Et la mère de la jeune fille lui fait des recommandations d'usage d'une mère à sa fille avant le mariage. Et elle lui dit, surtout... Quoi qu'il arrive, ma fille, surtout, n'accepte jamais de te retourner quand vous êtes dans le lit. Alors la fille, elle rougit, elle dit « D'accord, maman, oui, maman, d'accord. » Il se marie et il coule des jours heureux. Et un soir, pendant qu'ils font crac-crac, c'est con, je ne sais pas imiter Nikos, le grec demande à sa femme « S'il te plaît, chérie, retourne-toi. » Alors la fille dit « Ah non, hein, surtout pas !» Ma mère m'a interdit de me retourner. Non, non, non. Et le mec lui dit, pourquoi tu veux pas avoir d'enfant? Là, il faut que tu fasses une petite blague, hein, Benjamin. Allez, c'est parti. Alors, on va voir si vous avez de la mémoire. Ouais. Oula. Comment appelle-t-on une prostituée au régime? Une grosse pute. Une grosse pute. Voilà. C'est ma blague. J'en ai qu'une, j'ai prévenu. Oh non. Allez, vas-y. Alors, j'ai fait une petite blague de pute pour Benjamin. Petite blague de pute. Une blague de pute pour Benjamin. Personne n'a jamais dit ça. C'est presque pareil parce que c'est presque avec Brigitte. Voilà. Un coq revient au poulailler avec un œuf d'autruche. Il réunit toutes les poules et leur dit « Mesdames, je ne voudrais pas être déplaisant, mais regardez ce que fait la concurrence. Bon, » dans quelques instants, nous aurons une nouvelle épreuve et surtout une épreuve pour Frédéric Koester, car on aura un petit flash encore très spécial, la suite, parce que d'autres informations. Donc vous restez avec nous et on revient avec Benjamin Leblanc. Oui. Retourne, on va se marrer avec Benjamin Leblanc. Ouais. Qu'on retrouve tous les samedis soirs jusqu'au 30 juin au théâtre Chez les Fous à Paris, 52 rue de la Tour d'Auvergne, mais également le 4 juin à l'espace Gerson à Lyon, du 7 au 27 juillet au Festival d'Avignon au théâtre de l'Art en Seine, le 2 août à Bouillargues dans le 30, les 30 et 31 août pour le 24e Festival National des Humoristes de Tournon. Et enfin, retour à Gerson, l'espace Gerson à Lyon pour la semaine de l'humour à partir du 26 septembre. Ouais. Alors, une question quand même pour mieux te connaître, Benjamin. Pourquoi? Alors la question c'est pourquoi? Pourquoi? J'ai envie de te répondre depuis peu. Ah ça c'est intéressant, ouais. Parce que c'est vrai que dans ces cas-là, on se demande si ça va continuer. Ah bah oui, c'est fait pour, c'est fait pour. Bon. Je suis complètement au chômage, etc. Donc ça va continuer. Ah. Normalement. C'est marrant, je sais pas vous, moi j'entends pas les trucs dans l'ordre. Non, parce que j'ai bien compris quand même que le spectacle, ça devait un petit peu être décalé. Ouais. Faut s'accrocher un peu quand même, non? Ou... S'accrocher, c'est-à-dire? Bah, s'accrocher pour suivre, non? Ah non, pas du tout. Non, non, c'est absolument ouvert à tous. C'est grand public. Mais les enfants aiment beaucoup d'ailleurs. Oui. Non, non, c'est des sketchs accessibles, sans aucun problème. Je cherche les mots. Et... Ouais, c'est complètement accessible. Juste, si je peux faire un remarque, est-ce que vous pouvez arrêter d'employer ce mot décalé? Pourquoi? Ça m'agace, parce que tout est décalé maintenant. Oui. Non, en plus, c'est pas un spectacle, c'est un spectacle surréaliste. Voilà, il y a un moment que t'es décalé. Non, non, mais même à force d'être décalé, ça va finir par tomber. Mais il a raison, même le budget de la France est décalé. Non, il va être recalé par Bruxelles. J'ai une deuxième partie de la main passe. Donc, je vais essayer de vous faire trouver un personnage. Ah! Donc, je vais commencer par l'équipe qui est menée, c'est-à-dire l'équipe des Noireaux, pour ce personnage célèbre. Oui. Avec des affirmations pendant 5 secondes. Ah, non. Quoi, 5 secondes? Alors, 10, pardon. Dis donc. Tu la veux, celle-là aussi? C'est parti. Et alors là, Gégé risque de trouver rapidement. Ah, Sylvie Vartan. C'est parti. Coiffeur. Je suis né le 19 juillet 1955 à Saint-Germain-en-Laye. Je suis la petite fille d'un ancien maire de Boulogne-Billancourt. Nathalie Kosciusko-Morizet. La main passe. C'est pas vrai. Ah, c'est l'autre poissonnière. Attends. Top. Elle fut conseillère municipale de cette ville de 2001 à 2008. Dans les années 70, elle est chanteuse populaire. Dans les années 70, elle est chanteuse populaire. Mais c'est peut-être Karen Cheryl. Mais non, elle n'a jamais été au conseil municipal de Saint-Germain. Je crois pas. Non, je sais pas moi. Connaître Karen Cheryl. Ah non, Juliette Gréco. Karen Cheryl, elle n'est pas toute jeune. Hein. Il me faut une réponse. Hein, alors. Allez, on Karen Cheryl. On sait pas. Ouais, alors Maurice, tu me dis Karen Cheryl. Bonne réponse de Maurice. Je savais pas qu'elle avait été au conseil. C'est vrai qu'elle est née dans mon coin. Bonne réponse, un point de marqué. Maurice, c'est quand même fabuleux. Il est très bien ce Maurice, tu vois quand même. Ouais. Une roulette russe, deuxième roulette russe, toujours le même principe pour Maurice. Attention, c'est parti. Poussin, Maya l'abeille. Stop quand tu veux. Maya l'abeille. Ah, il y a longtemps, tiens, c'est vrai. On va bien Maya se l'abeille. C'est Maya l'abeille qui rencontre sa cousine dans sa ruche et qui lui dit qu'elle a internet. Et sa cousine lui dit donne-moi ton adresse. Il mieille. Mais non, pas imieille. Imieille. Imieille. Imielle. Imielle. Bravo. Ah ben voilà. Sinon, elle est pas drôle. Elle est pas drôle, oui, ça suffit. C'est jamais drôle. Et comment tu m'as dit qu'il s'appelait tout à l'heure le bonhomme là qui pique? Oui. En bonne maison. Bonne maison. Voilà, ouais. Allez, monsieur bonne maison, venez tout de suite. Oui, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. C'est fini? Non. Voilà. Est-ce que tu connais le jeu de la photo mystère? Oh non! Non, je ne connais pas le jeu de la photo mystère. Oh non! Eh bien, les auditeurs l'attendent. On n'a pas eu le temps de la faire la semaine dernière, mais on te l'a gardé pour toi. Merci. Restez avec nous, on revient avec Benjamin Leblanc. Oh. Retour d'On va se marrer avec Benjamin Leblanc. Eh oui. Ouais. Benjamin Leblanc qui s'expose sur scène. Dis-moi Benjamin, est-ce que tu as quand même envisagé de sortir de Paris et d'aller voir un petit peu ce qui se passe en province? Ah oui, oui, oui, mais je suis pas de Paris de toute façon. Ah, t'es pas de Paris? Ah non, non, pas du tout, du tout. Mais tu es d'où? Je suis ch'tim, ouais. Je suis de Douai. Ah. Ouais. D'ailleurs, si on est écouté oui. dans le Nord, oui. Je passe un grand bonjour à mes camarades ch'tis. Tout à fait. Ouais. Mais alors, donc, du coup, t'as commencé là-haut dans pas le Nord? Pas du tout. Je suis venu à Paris pour faire du théâtre, en fait. D'accord. Tout simplement. Et donc, t'as réussi à faire cette salle parisienne. Ouais. Donc maintenant, il faut que t'arrives à. Voilà, on va essayer de faire grossir un peu tout ça. Bon, bah oui, je crois qu'il va. Je demanderai à Maurice un petit coup de main, je pense. Pour faire grossir tout ça? Oui, ça devrait pouvoir se faire. Pas de problème. Voilà. Oh. Alors, Maurice, justement, Maurice ne perd pas la main. C'est vrai que j'ai le temps d'être belle perche là-dessus. Oui, oui. Ah, bah ça, on sait pas, on l'a pas vu. On peut décliner. Maurice a, justement, chaque semaine, on lui confie une photo mystère. Excuse-moi, c'est lui qui est confié. Oui. Une photo mystère. Dont il n'a absolument, bien sûr, pas le droit de prononcer le nom. Et il a également, dans le cadre de cette photo mystère, un mot interdit qu'il n'a pas le droit de prononcer, qui serait trop facile sinon pour vous faire trouver tout de suite. But du jeu étant de faire trouver ce qu'il y a sur cette photo mystère en vous donnant des informations précises. Donc il donne 10 secondes. Le terme précise est important. Donc il donne 10 secondes d'informations à son équipe. Enfin, s'il peut. Voilà. Qui peut trouver la réponse. Si son équipe ne trouve pas, il a 10 secondes pour vous, etc., etc. Et l'équipe qui, par bonheur, va découvrir ce qu'il y a dans cette photo mystère, va ce soir marquer 5 points. Mais on commence par vous. Ah bah oui. Donc, on va commencer par l'équipe qui est menée, effectivement, l'équipe t'as entendu, 5 des Noireaux. 5 points à noter pour cette photo mystère. Est-ce que, Maurice, tu es prêt déjà? Oui, je suis prêt, mais bon, oui, oui. Attends, donc, c'est comme d'habitude, c'est toi qui dis top chrono, parce que... Hein, top chrono. C'est végétal, on le trouve dans la nature, on le trouve à une certaine période de l'année. C'est tout. Oui, c'est... Alors n'oubliez pas que c'est végétal et qu'on le trouve dans la nature. Et une période de l'année, j'ai dit. Oui, j'ai entendu ça. Le muguet, non, le muguet. C'est ce que j'aurais dit. Champignon. T'aurais dit champignon, toi hein. Ouais. Comme tu nous as fait paumer en disant non pour le moustique, alors je voulais dire oui. Voilà. Alors, champignon. Non. Non. Eh non. Eh non. Si c'est le muguet, je l'ai mal. Là. Eh non. Eh non. Si c'est le muguet, ça va être dur. Alors là, c'est pour son équipe. Oui. 10 secondes d'information très importante. Alors, on peut le trouver. T'as pas dit top. Ah. Arrête de dire on peut. Oui. Après. Top. Sous-bois, couleur un peu marron, d'une petite taille, avec des alvéoles. Mais c'était un champignon. Oui, mais le nom du champignon, il faut. Ah, alors, tu veux pas leur donner la réponse, dis carrément. Donc, Bob, les cèpes, ça a des alvéoles? Non. Bah, avec Maurice, oui. Mais ta gueule, Maurice! Maurice, tu ne peux Maurice. Pas aider. Ah, comment ça s'appelle, tu sais, les autres, là? Ah oui. Oh merde. En omelette, parlé. Ah, Maurice! Oui, c'est marron. Oui. Les champignons, ça marche. Oui, pas. Oui. Bah, oui. La tête marron? Oui. C'est tout marron, même la queue est marron, d'ailleurs. Ah. Les morilles? Non. Oui, il est mort. Non, non, non, il y a oh triche. Là là. Oh, il y a eu triche. Il y a eu triche. J'ai vu qu'il y a eu triche. Il y a eu triche. Je porte une réclamation. C'est une honte. Il y a eu triche. C'est honteux, monsieur. Non. Il y a eu triche. Il n'y a pas eu triche. C'est bien. Maurice, il est dans mon dos. Je ne l'ai pas vu. Il y a eu triche. Non, toi, tu l'as pas vu. Oui, mais Gérard l'a vu. On l'a bien vu. Donc. Moi, je vais vous dire, dans l'histoire de France, il oui. y a eu Ravaillac, il y a eu Pétain et il y a Maurice. Donc, c'est bien traître. Les Maurice. Et comme il y a eu triche, les 5 points vont à l'équipe des Noirs. Et mon équipe, elle t'emmerde. Il fallait pas tricher. Il dit quoi comme mot interdit? Ah oui, les 5 points ont été marqués, mais il y a un du point... champignon. Alors, attendez. Champignon, oui. Ah, parce que c'est toi qui décides qui dit quoi maintenant. Mais vous n'avez pas encore perdu, car c'est vous qui menez pour l'instant. Donc il n'y a aucun problème. Non, pas de deux. J'espère que tu leur as pas donné le point du mot interdit. Ah non, non, non, parce qu'il l'a cité. Mais donc, pour l'instant, rien n'est perdu, GG. Ne panique pas. Jingle. Je ne panique pas. Je ne reviens pas. Et pour te calmer, une petite tournée. De boisson. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors, GG, comment appelle-t-on une collectionneuse de pins? Une salops. Maurice. Deux canards nagent au milieu d'un étang. Le premier palmipède. Ah, mais palmipède. Oui, elle est pas facile celle-là, c'est vrai. Le premier palmipède, c'est un homo qui fait de la plongée. Fait coin coin. Le second répond, c'est dingue. J'allais dire exactement la même chose. L'épreuve des 50 mètres nage libre. Bravo. Des Jeux paralympiques. Il y a trois favoris. Un Anglais qui a pas de bras, un Grec qui a pas de jambes, et un Français qui n'a ni jambes ni bras. Coup de départ, plouf, le Français plonge et coule aussitôt. Au bout d'une minute, ils le sortent, à moitié noyé, puis le mec, plouf. Putain, un an d'entraînement avec les oreilles et il m'oblige à mettre un bonnet, les salauds. C'est idiot. Alors, c'est en Belgique. Ça, c'est vrai. Bon, parce qu'on en profite qu'on a Benjamin Leblanc. C'est une dame qui arrive à la boulangerie. Dites donc, je suis désolé de vous le dire, hein, mais votre pain, il est rassis. Bon, dites donc, un peu de respect, madame. Hein. Je faisais du pain avant que vous soyez née. Hein. Et ben justement, je vous reproche de le vendre que maintenant. C'est ouais, comme ça, mon escalator, tu vois, cette blague, elle est con, mais avec l'accent, ça passe. Ben oui, ben oui. Excusez-moi, ami belge. Alors, ami belge, vous allez dérouiller. Ah, c'est la fête. Parce que là, ça monte en qualité. Alors, c'est parti. Pourquoi les petites filles belges mouillent-elles leurs culottes? Oh non. Oh non. C'est une blague à GG, ça. Pas, elle doit être horrible, celle-là. Parce qu'elles fuient du trou. Oh, ah oh là là. Alors, il n'y a pas de jingle, là. C'est... Alors, soit tu le mets trop tôt, soit tu le mets pas. Les skieurs, là, pour qu'on rentre en tête. On s'en fout des skieurs. Allez, les skieurs, vas-y, allez. Les skieurs, les skieurs, les skieurs, les skieurs, les skieurs. Mais ça arriverait jamais. Ça arrive à la sortir, celle-là, quand même. Mais non, que disent deux skieurs juifs qui se croisent? On sait pas, on sait pas. Shalom. Oh non. Mais j'ai du tien. Slalom. On l'aura pas. On l'aura pas. Non, on l'aura pas. C'est avec ça que je vais être pris chez Ruquier, moi. Bon, alors donc juste après la pause, Frédéric va nous le sortir. Ah, comme toutes les semaines. Ah merde. Mais je vais changer de place. C'est la surprise de fin de l'émission. Non, t'inquiète. Oh, tu crains rien. C'est son petit quiz. Un petit quiz. Donc elle est peut-être pas grande, mais elle est plus dure que la tienne. Non, mais je parle du petit quiz quand même. Il m'attaque. Mais non, soyez respectueux. Il m'attaque, je réponds. Mais non, le petit quiz, oui. Juste après la pause, et toujours avec Benjamin Leblanc. Oui. Ah oui. Ah, les deux feignasses, elles applaudissent plus. Non. Retour, on va se marrer avec Benjamin Leblanc. Oui. Ouais. Incroyable. Mais alors, Benjamin, dis-nous un peu, mais tous ces personnages, tous ces personnages, puisque c'est portraits de personnages, tu les as sortis d'où? Tu feras gaffe, tu as un problème de démarreur, Philippe. Tu les as trouvés où? Aucune idée. Ils sont arrivés comme ça? Ah oui, ils sont arrivés comme ça, c'est des idées. J'ai essayé de faire des choses originales. Et du coup, ça m'a évité le prof, le curé, tout ce genre de choses. Donc, t'as trouvé quoi comme personnage, par exemple? J'ai un guide de musée qui présente des œuvres qui n'existent pas, en fait. Très bien. Donc, je fais croire aux gens, en fait, que le projecteur est une installation, etc., une œuvre d'art. D'accord. Je fais un comédien qui joue un garde et on entend les pensées du comédien pendant la pièce. D'accord. C'est assez rigolo. Ça, oui, je bien, fais ça. Une émission littéraire qui présente des livres que personne ne lit. Oui, voilà. Comme toutes les émissions littéraires. Et maintenant, voilà. Maintenant, tu peux faire un mongolien. J'ai fait un artiste de ce qu'on appelle les télécrochés aujourd'hui, genre un nouvel star qui arrive, mais un artiste un petit peu étrange, on va dire. Ah. Ouais, on le condamne vite, puis après on se rend compte qu'il fait des trucs un petit peu bizarres, exceptionnels. Quoi, donc, voilà. C'est Suzanne Boyle. Ouais, presque. C'est Johnny Hollywood, pour ne pas le nommer. Voilà. Et je fais également un dictateur qui fait un discours. Avec une langue qui a été inventée pour l'occasion, en fait. Ah. Il a eu sa propre langue, son propre langage. Voilà. Bon, mais il y a de quoi faire. Alors. Oui, il y a de la matière. Je pense qu'il y a de la matière. Un spectacle qui dure 10 minutes, en fait. Ah, d'accord. Ouais, ah, oui, c'est des sketchs de 30 secondes. Et non, alors, tu plaisantes. Non, pas du tout. Et t'as commencé à faire ça à la base, donc dans le Nord. Mais ou... non, il t'a dit non. Mais, pas du tout. Non, mais il aurait pu commencer là-bas et puis arriver. Non, non. J'ai commencé à martyriser pas mal de mes professeurs, etc., dans le Nord, ensuite dans le Sud, oui. Et ensuite à Paris. D'accord. Voilà. Parce que dans le Nord, c'était dur quand même. Ouais, dans le Nord, pourquoi c'est on se marre bien dans le Nord? Ah, bah, oui. Tu crois? Bah oui. Ah, oui, ah oui. Si, dans le Nord, alors là, le Nord. Dans le Nord, oui, c'était. C'est... Ah, attention. On s'éclate. Si t'es frappadingue. On s'éclate dans le Nord. Non, non je crois qu'on se marre bien dans le Nord. Ah oui, dans le Nord. C'est les gens les plus gentils de toute la Terre. Ouais. Et on s'amuse beaucoup. Plus, c'est un cliché de dire ça, mais GG, dès qu'il a passé le périph', c'est exotique pour lui. Oui, c'est vrai. Oui, encore. C'est vrai. Non, le Nord, c'est. Oui, c'est grande vrai. Qualité. Dans l'émission chaque semaine, Frédéric nous prépare un petit quiz. Oui. Alors, Maurice, est-ce que tu peux nous rappeler le nom de notre invité? C'est Benjamin Leblanc. Eh bien, ça tombe bien, puisque le quiz d'aujourd'hui va être sur... Leblanc. Bravo. 8 extraits de chansons dans lesquelles les artistes prononcent le mot « blanc ». Ah bon, il y en a beaucoup. C'est original, hein. Ah, c'est surtout c'est une belle recherche, à mon avis. Et donc, voilà. Donc, il faut trouver 8 noms. Et donc, j'ai dit à Bob 8, dont 2. 2 que je suis sûr qu'il ne trouvera pas. Ça, c'est dégueulasse. Bob, le premier extrait, tu sais ce que c'est? Le premier extrait. C'est non, pas le blanc. Non, mais maintenant, on sait que tu sais. Alors, dis-le. Jingle. Le jingle. Allez. On écoute. Il redevient monsieur un tel qui va rentrer dans son hôtel. Voici le décor à l'envers, l'autre côté de la lumière. Sur une chaise, un costume blanc. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps. Je revois tes yeux clairs, maman. Je songe à d'autres Noël blanc. Seul avec sa dernière dose d'héro, il n'y eut personne pour pleurer lors de l'enterrement. Le sachet blanc compte un mort de plus dans ses rangs. Le sachet blanc m'empoisonne le sang. Le sachet blanc m'empoisonne la vie autour de moi. Dans la campagne réseau de la poudre, je vais et vole plus vite que la foudre. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, elle se balade fière au bras d'un cygne blanc, elle dit. C'est pas un signe de rivière. Benjamin l'a trouvé le premier, c'est... C'est Mike Brandt. Pas du tout. Non, bon, non, attends. C'est Joe Dassin. C'est Joe Dassin. Regarde, regarde. Non, le premier, c'est le jingle. Ah, jingle, alors. Bah, t'en as trouvé combien, Benjamin? J'en ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que oh, le dernier, j'ai oublié le nom, mais il va me revenir. D'habitude, tu t'as nous proposes. T'as mis quel point d'interrogation? Ah oui, ceux que j'ai pas trouvé. Ah, attention, il y a GG qui a les 8, apparemment. Moi, j'ai les 8. Frédéric, tu nous proposes comme chaque semaine? Ah, bah, on va faire comme Maurice, on la décompose. Donc, on t'écoute, Benjamin. Alors, c'est parti. Je dis le premier chanteur, c'était donc. Monsieur Attel. Joe Dassin. Très bien. Ouais. Correct. Benjamin. Michel Berger. Très bien. Ah oui. Ah. Ah bah Bob a dit, c'est Ray. Sûr, c'est Balavoine. C'est pas Balavoine. Trop facile quand même. Benjamin. Elle avait le regard en face. Alors c'est Dalida et Sans Boucher. Bien sûr. Mais j'ai marqué Rita. Écoute, j'ai marqué Rita. À d'autres. D'autres. Qui va dire à d'autres Noël blanc? Ça c'est trop facile ça. Attends, je voudrais juste que GG qui est sûr de l'avoir. Grand corps malade. Voilà. C'est beaucoup plus vieux, beaucoup plus vieux. Alors, Benjamin. Donc c'est Shuriken et c'est IAM. C'est IAM. Ah, moi j'ai marqué Michael Jackson. Non, c'est après. Ah, je me suis. C'est. Ah voilà, c'est la Michael. Feu Michael. Pourquoi il a brûlé? Le chevalier Benjamin, là, je sais qui c'est. Il y a une personne qui va m'en vouloir, mais je crois que c'est dans un film. Le Moreno, là, je sais plus comment. Non, c'est Mariano. Non, c'est pas un chanteur. Non, justement, c'est un chanteur. C'est pas un acteur. Non, c'est pas un chanteur, c'est Lanvin. Pas du tout, c'est Gérard Lanvin. Ouais. Lanvin, ouais, c'est un acteur. C'est, voilà, c'est un extrait du film Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine de Coluche. Ah, parce que c'est la chanson de Guettari. Alors ça, c'est ton époque, Bob. Je suis sûr que t'as emballé là-dessus. Oui, oui. Dès qu'il y a une guitare, il n'y a plus personne. Pense c'est à Léo Ferré. C'est à Maudit Ferré. Blues. Les Maudit Blues. Ah, les Maudit Blues, oui. Et en fait, j'avais mis les Kiffs, mais je savais que c'était pas ça. Alors ça, c'est Cabrel. Oui. Ça, Francis c'est Cabrel. Je l'avais aussi. Ah, Cabrel, ouais. C'est bien. Ah, si. Oui. Brave à la pluie. Mon chanteur préféré. Alors, moi je regarde et je trouve que l'invité a bien assuré, donc il mérite les applaudissements pour ce bravo petit quiz. Vraiment, quoi quoi comme, bravo quoi à Benjamin Leblanc. Merci alors. Mais dis donc, comment hein. Et mes acclamations. Ah oui, j'ai oublié. Et les acclamations de Don Saluste, alias Frédéric Oster. Bravo, Don Saluste. Je fais les totos. Et je dois annoncer une nouvelle très intéressante. Ah, très très intéressante. Je pense qu'on est passé devant là quand même. Noirot, les Noirots, c'est oui, vous. C'est donc, nous. Vous avez marqué 11 points. Ah, c'est beaucoup pas plus mal, parce qu'il y a eu double tricherie. On avait 500, on avait 500 points normalement en plus. Non, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Et alors, l'équipe des solubles. Bonne nouvelle pour vous, vous avez marqué 11 points. Non, mais c'est d'Afrique. C'est vraiment étonnant. Donc, pour vous départager, il y a l'épreuve de la mort subite. Oui, bah pour l'instant, pour une fois, on change de camp. Non. Alors, l'épreuve de la mort subite, elle est très simple. Oui. C'est une épreuve de ni oui ni non. Ah. Vous allez gagner. Je propose de faire un ni oui ni non. Et donc, l'invité, bien sûr, qui est prioritaire, tu vas choisir contre qui vous allez faire votre partie. De ni oui ni non, c'est au hasard total. Or, je vois qu'il se passe un truc entre Maurice et moi-même ce soir, donc je vais. Si tu veux, je vais continuer ensemble. Bah Maurice, évidemment. Ah, alors Maurice, mais c'est au hasard, hein, bien sûr, chaque semaine. Alors attention, là c'est important. Le point final est en jeu. Oui. Pas de oui, pas de non. Mais par contre, il faut répondre parce que une non-réponse. Attention. T'as pas de micro. 3 secondes sans réponse et c'est perdu. Allez. Attention, Benjamin et Frédéric, top chrono. Ça va, Maurice? Peut-être. Comment ça, peut-être? Tu sais si tu vas ou tu vas pas. La santé. Oui, quoi, la santé? Elle est bonne. Elle est bonne, ta santé. Ça va bien, t'es en forme, la pêche. Je cours tous les matins. Tous les matins? Ça se voit, il est affûté. Il est affûté, c'est vrai. Beaucoup de sport. Beaucoup de sport, ça m'étonne pas. La piscine? Oui. Un. Non, la course. Ah oui. T'as pas entendu? Il a dit non, la course. Vous avez pas entendu. Je dois annoncer le résultat final. La partie est gagnée par les Noirs. Bravo. On a gagné. On a perdu. Pourquoi j'ai l'impression qu'on s'est fait arnaquer? Non, pas du tout. Bon, parce que s'il avait parce que je vais te dire un truc. S'il avait manqué 6 points, la photo mystère aurait valu 6 points. Alors, on va remercier chaleureusement Benjamin Leblanc d'être venu nous moi voir qui vous remercie. Dans notre asile. On espère que tu t'es amusé avec un petit peu avec nous. Bah évidemment. Bah nous on n'a plus qu'à venir te voir donc d'une part à Paris du 12 mai au 30 juin à 20h le samedi au théâtre Chez les Fous, 52 rue de la Tour d'Auvergne dans le 9e, puis le 4 juin à l'espace Gerson à Lyon, du 7 au 27 juillet à 16h45 au Festival d'Avignon au théâtre de l'Art en Seine, le 2 août à Bouillargues, les 30 et 31 août au 24e Festival National des Humoristes de Tournon, et enfin les 26, 27 et 28 septembre, de nouveau à l'Espace Gerson de Lyon pour la Semaine de l'Humour. Merci Benjamin de ta visite. Moi qui te remercie. Et bravo encore. L'émission voilà. Sur Facebook, enfin les photos de l'émission, c'est sur la page Facebook. On va se marrer.com pour les anciennes émissions et les podcasts de l'émission. Je crois que j'ai tout dit. Merci de votre patience. Rendez-vous la semaine prochaine.